بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع في دراسة في دراستنا في كتاب قواعد المثلة سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض وصلنا إلى القاعدة الرابعة في قواعد الأدلة أدلة النصوص أو أدلة الصفات قال فيها المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ألا وهي القاعدة الرابعة قال فيها ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على الوجه يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. Donc on va continuer inshallah sur l'étude des règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et ses noms en implorant Allah qui nous accorde la sincérité à travers nos actes et nos actions. On va reprendre sans plus attendre sur la quatrième règle. Donc on est arrivé sur l'étude de la quatrième règle concernant les preuves, concernant les textes. Et dans la dernière assise, on a fini l'étude de la règle précédente, la troisième règle. On va commencer sans plus attendre l'étude de la quatrième règle concernant les preuves. L'auteur dit, dans cette quatrième règle, il dit quatrième règle, « ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني » La quatrième règle, vous allez voir, elle vient en fait compléter les règles précédentes, les trois premières règles qu'on a étudiées concernant les preuves et les textes. Dans cette quatrième règle, il dit « l'apparence des textes est ce qui vient immédiatement à l'esprit. La première chose qui vient à l'esprit, c'est ça qui est considéré comme l'apparence du texte. Et il varie, l'auteur dit, il varie selon le contexte et selon ce à quoi on annexe le discours. C'est-à-dire, l'auteur dit dans l'explication de cette règle, il dit wa hadhihi al-qa'idatu kal-mutammim lillati qablaha wa hiya anna dhahir an-nusus huwa ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani wa lam naqul innahu huwa alladhi la yahtamilu ghayra li'annahu qad yahtamilu ghayra lakin awwal ma yatabadaru ila adh-dhihni min al-ma'na hadha huwa dhahir النصوص ولهذا لو قلت قتلت أسدا في الفلا فالمتبادر أنه الحيوان المفترس ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة فالمتبادر أنه الرجل الشجاع إذن ظاهر اللفظ من المثال الأول أن الأسد هو الحيوان المفترس والظاهر اللفظ في المثال الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا مجاز في اللغة لأن المجاز لابد له من قرينة وهذه القرينة تجعله حقيقة في سياقه بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضيه السياق لم يتمكن وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من المحال كما ادعاه بعضهم وقال إن اللغة العربية فيها أشياء مجازية لابد فنقول هذه الأشياء المجازية لابد لها من قرينة هذه القرينة تجعل الكلام في سياقه حقيقة بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه إلى غير ذلك ما تمكن إذن ظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني Donc là, l'auteur va nous expliquer, après qu'on a appris dans les assises précédentes et dans les règles précédentes. Donc c'est très pertinent ce que nous enseigne l'auteur à ce moment-ci. Dans les assises précédentes, on a dit que, en ce qui concerne les textes et les preuves d'attributs, liés aux attributs d'Allah, Azza wa Jal, le sens considéré, c'est le sens apparent. Donc on a appris dans les règles précédentes qu'on aborde, qu'on prend les textes d'attributs selon le sens apparent. Là, dans cette règle, l'auteur va nous expliquer qu'est-ce que le sens apparent. Qu'est-ce que le sens apparent ? Si on a appris dans les assises précédentes et dans les règles précédentes que dans les textes liés aux attributs, le sens qui est considéré, c'est le sens apparent, alors dans cette règle, il nous enseigne qu'est-ce que le sens apparent ? Alors, il dit le sens apparent, l'apparence des textes, c'est ce qui vient à l'esprit de la personne. C'est la première chose qui vient à l'esprit de la personne. Et bien sûr, ça varie selon le contexte et selon aussi ce à quoi on annexe le discours. C'est ce que va nous enseigner l'auteur ici dans cette quatrième règle. Il dit dans l'explication de ce premier point, dans l'explication de cette règle, ce premier point, il dit donc cette règle-là vient compléter les règles précédentes. وَيَا أَنَّ ظَاهِرُ النُّصُوصِ هُوَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ مِنَ الْمَعَانِي. Donc, il explique que ce qu'on considère comme l'apparence du texte, puisque là, comme on l'a dit, on est en train de traiter et d'apprendre des règles liées au texte. Et donc, ce qu'on appelle en arabe ظَاهِرُ النُّصُوصِ, l'apparence du texte. Il explique que ce qu'on considère comme l'apparence du texte, c'est le sens qui vient immédiatement à l'esprit. Il dit وَلَمْ نَقُولْ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ. Mais il dit, on n'a pas exprimé cela en disant c'est le sens qui suppose aucun autre. Il a dit, on ne l'a pas exprimé de la sorte. Le sens apparent, ça serait le sens qui suppose aucun autre, c'est-à-dire sens. Il n'y a pas la probabilité d'un autre sens. Il dit, on n'a pas dit ça, pourquoi ? Parce qu'il suppose un autre sens. Il se peut qu'il suppose, il y ait probabilité d'un autre sens. Pour cela, il dit, وَلَمْ نَقُلْ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَمِرُ غَيْرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِرُ غَيْرَ. لكن الأول هو ما يتبادر إلى الذهن من المعنى. Mais le premier qui vient à l'esprit lorsque on entend ou on voit le texte, l'apparence du texte, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est ce sens-là qui est considéré comme ظاهر النصوص, l'apparence du texte, le sens apparent, si vous voulez. ولهذا Pour cela, lorsqu'une personne, par exemple, dit « J'ai tué un lion dans le désert », par exemple, une personne qui dit « Dans le désert, j'ai tué un lion », là, le sens du lion, on comprend, selon le contexte, selon la phrase, le sens apparent, c'est le lion, c'est l'animal féroce. On comprend. Par rapport à la phrase, ici, le sens apparent du mot el-Assad, le lion, c'est l'animal el-Muftaris. Par contre, si la personne dit, dans un autre exemple, la personne dit, Ra'aytu Asadan yahmilu haqibatan ila al-madrasa. J'ai vu un lion qui portait les bagages jusqu'à l'école. Qui portait les effets, al-haqiba, les bagages, jusqu'à l'école. Là, il dit, le sens al-mutabadir qui nous vient à l'esprit immédiatement, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de courageux. Pourquoi ? Puisque al-asad, ça peut avoir le sens, c'est le sens littéral, le lion, mais aussi ça peut sous-entendre une personne de courageuse. Une personne qui est courageuse. وظاهر اللفظ من المثال الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. Donc on voit que dans le deuxième exemple qu'on a donné, le sens du lion, ici c'est dans le sens de la personne courageuse. La personne courageuse. Donc ce qui vient à l'esprit, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est ça le sens apparent du texte. Comme on l'a dit dans le premier exemple, l'homme dit « J'ai tué un lion dans le désert ». Dans le désert, le sens apparent ici du lion, son sens, c'est le lion, l'animal, al-muftaris, l'animal féroce, comme on le comprend directement. Ensuite, l'auteur va expliquer une question. Dans l'explication, il va faire allusion à une question plus importante, ou plutôt une question importante et subtile. La question de ce qu'on appelle « Innahu la majaza fil lugha ». Certains savants, comme c'est l'avis du savant de l'islam Ibn Taymiyyah, considèrent qu'il n'y a pas de sens figuré dans la langue arabe. Et ça, c'est un grand débat chez les savants. Qu'il n'y a pas de « majaz ». Qu'il n'y a pas de « majaz ». En arabe, on peut traduire « al-majaz » comme le sens figuré. « لأن المجاز لا بد له من قرينة هذه القرينة تجعله حقيبة في سياقه بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضيه السياق لم يتمكن وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المحال. » Et donc ensuite il va expliquer il va faire allusion à la question du sens figuré. Nous on va avancer. Il dit ensuite dans le texte. Donc ça, c'était dans l'explication. Et donc, on a dit, maintenant, quel est le sens apparent? Qu'est-ce qu'on considère dans l'apparence du texte comme étant le sens apparent? L'auteur nous explique, c'est le premier sens qui vient immédiatement à l'esprit. Le premier sens qui vient à l'esprit. Il dit, et bien sûr, celui-ci diffère selon le contexte, mais aussi selon aussi ce à quoi on annexe le discours. Donc, selon sa lien et ça varie selon le contexte, mais aussi selon ce à quoi on annexe le discours. فَالْكَلِمَةُ الْوَاحِدَ Il dit, des fois, une seule parole, يَكُنُ لَا مَعْنًا فِي سِيَاقٍ Il détient un sens dans un contexte, mais il peut avoir un autre sens dans un autre contexte. وَتَرْكِيبُ الْكَلَامِ يُفِيدُ مَعْنًا عَلَى وَجْهِ وَمَعْنًا عَلَى وَجْهِ Comme l'auteur aussi dit, et la signification générée par la construction d'un énoncé peut changer selon l'aspect que celle-ci prend. Ensuite, il va citer autre chose, la construction de la parole. ou de l'énoncé peut changer selon l'aspect que celle-ci prend. Dans l'explication, l'auteur va nous donner exemple pour mieux comprendre. Il dit « فَإِذَا جَاءَنِ طَالِبُ الْعِلْمِ كَبِيرٌ » Dans ce que l'auteur a dit précédemment, lorsqu'il dit que donc le sens apparent, c'est ce qui nous vient à l'esprit. Et on a dit « il varie, diffère selon le contexte et selon ce à quoi on annexe le discours. » Il dit par exemple, dans l'explication, « si un étudiant en sciences vient à nous, alors un grand étudiant en sciences vient, « وَقَالَ أُرِيدُ كُتُوبًا » et il demande des livres. Il dit « je veux des livres. » « فَقُلْتُ لِوَكِيلِ » Alors, il dit, par exemple, « je dis à mon wakil, à une personne qui va mandater, il dit à une personne qui va mandater, va dans le dépôt et ramène-lui des livres. Donne-lui ce qui lui convient comme livre. » Regardez, il dit bien la parole « ce qui lui convient. » Donne-lui ce qui lui convient comme livre. Et il dit dans le dépôt, Andy, j'ai des livres pour, j'ai des grands livres et des petits livres. Donc des livres qui conviennent à des plus grands et des livres qui conviennent à des grands étudiants et des livres qui conviennent mieux à des petits étudiants. Alors lorsque فَإِنَّهُ سَيُعْطِي مِنَ الْكِبَرْ لِأَنَّهُ طَالِبُ عِلْمٍ et lorsqu'il lui a dit, il y a un grand talab al-ilm qui est venu pour des livres, il lui a dit, il a mandaté la personne, va chercher dans le dépôt des livres qui lui conviennent. Donc là, il va rapporter des grands livres, des livres qui conviennent à celui-ci, puisqu'il a dit, c'est un grand talab al-ilm. Donc par rapport au contexte, ou par rapport à ce qui a été annexé au discours, là, il va lui donner ce qu'il convient. Ce qu'il convient, on dit bien « ma yaliqu bihi », ce qu'il convient comme livre. Si par exemple, « waja'ani wahidun sagheeru sinn », une autre personne, un autre étudiant est venu, un étudiant plus jeune, un petit. Un petit vient et il dit « je veux des livres ». Alors, il dit à son wakil, « va dans le dépôt » et ramène-lui des livres qui lui conviennent. Ramène-lui des livres qui lui conviennent. فَإِنَّهُ يَعْطِيهِ الْأَشْيَاءَ السَّغِيرَ Il va lui ramener des livres, des petits livres, qui conviennent à son niveau. Pourquoi ? Parce qu'il a stipulé, c'est un petit. Et donc, il va rapporter ce qui convient. فَانْظُرْ إِلَى كَلِمَةِ مَا يَلِقُ بِهِ Donc il dit, l'auteur dans son explication, il dit, reviens sur la parole et observe. Remarque la parole ma yaliqu bihi, ce qu'il convient à lui. Ce qui convient à lui. Cette parole-là, ce qui convient à lui, lafdhu wahid, c'est un seul énoncé. C'est un seul énoncé. Mais, selon, regardez, selon à quoi on annexe l'énoncé, le sens varie. Selon à quoi on annexe l'énoncé, on voit, regardez, لَكِنْ اِخْتَلَفَتْ بِحَسَبِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْ Donc, ce à quoi ça a été annexé, il est annexé à quoi ? Lorsqu'on dit annexé, lié. Selon à quoi il a été lié, lorsqu'on a dit un grand étudiant, il a rapporté des livres qui conviennent à un grand étudiant, et lorsqu'il a dit un petit étudiant, il a rapporté des livres qui conviennent. Pourquoi ? Parce qu'il dit à celui qui l'a mandaté, rapporte-lui des livres qui conviennent. À lui. Le terme qui convienne à lui, on voit selon à quoi ça a été lié, on voit que le sens a différé. Le sens a différé. Et donc, لِأَنَّ الَّذِي يَلِيقُ بِهَذَا غَيْرُ الَّذِي يَلِيقُ بِهَذَا لَا بِحَسَبِ السِّيَاقِ Pourquoi ? Parce que ce qui convenait au premier ne convenait pas forcément au deuxième. Vous avez vu, ce qui a convenu comme livre au premier dans cet exemple, ça convenait pas forcément au deuxième. Donc là, en fait, l'auteur, il veut expliquer que cela n'est pas forcément lié au contexte. Là, le sens du terme a été compris, a été pris, mais n'a pas été lié forcément au contexte. C'est pour ça que là, il explique, lorsqu'il a dit, que le sens varie selon le contexte ou bien selon à quoi a été annexé le discours ou selon à quoi on annexe le discours. Vous avez vu, il n'a pas dit que c'est lié au contexte seulement. C'est pas forcément lié au contexte. Comme là, par exemple, lorsque il a dit à celui qui l'a mandaté pour aller chercher les livres dans le dépôt dans cet exemple, c'est pas lié au contexte. Il dit ce qui lui convient. Donc c'est lié à ce qui a été annexé. C'est lié à ce à quoi on annexe le discours. Donc c'est pour cela qu'il ne dit pas que ça varie selon le contexte seulement. Mais huwa yakhtalif bihasabi as-siyaqi wa ma yudafu ilayhi. C'est pour cela qu'il dit fal kalimatul wahida yakunu laha ma'nan fi siyaq wa ma'nan akhar fi siyaq. C'est pour cela qu'il dit que une seule et même parole peut avoir une signification dans un contexte, une autre signification dans un contexte. Ça c'est le contexte. Mais aussi en dehors du contexte, une parole aussi peut avoir une signification par rapport à la construction d'un énoncé. Celui-ci peut changer selon l'aspect que celle-ci prend, comme on l'a évoqué dans cet exemple. Ensuite, l'auteur dit par exemple, dans l'énoncé, il va mentionner un exemple. Fa lafdhu al-qarya, mathalan, yuradu bihi al-qawm taratan wa masakin al-qawm taratan ukhra. Il dit par exemple le terme qu'on retrouve par exemple dans le Coran, Al-Qariya, qu'on peut traduire par Al-Qariya, qui peut signifier, il dit Al-Qaoum, parfois ça a le sens du peuple, et parfois les habitants du peuple. Et parfois, il peut avoir le sens les habitants. Ou les habitations, pardon. Masakin al-Qaum, les habitations, les demeures. Les demeures du peuple. Les demeures du peuple. Donc, le terme al-Qariya. Al-Qariya, soit il va sous-entendre et signifier le peuple, soit il va sous-entendre les demeures, les habitations de ce peuple. Alors, il signifie peuple comme dans un verset. Où Allah Azza wa Jal, il va donner l'exemple. Allah dit dans un verset, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadidan. Et dans un verset, regardez, Allah Azza wa Jal dit, on va citer le terme en arabe, et il n'y ait point de qarya que nous ne faisions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous nous punissions d'un dur châtiment. Et il n'est point de qariya. Il n'est point de qariya. Ici, le sens de qariya, l'auteur dit, c'est le sens du peuple, al-qaoum. C'est pour ça que il peut être traduit, et il n'est point de peuple, entre guillemets, injuste. Entre guillemets, injuste. Donc ici, al-qariya, sera traduit par peuple. Aura le sens de wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah. Voilà. Dans ce premier exemple, donc dans ce verset, donc c'est le verset 85 de la sourate Al-Isra. Dans un autre verset, dans un deuxième exemple, fa qawluhu ta'ala, donc dans l'explication, l'auteur dit que le sens voulu dans le verset qu'on a mentionné précédemment, c'est Al-Qaoum, c'est le peuple. Ensuite, il donne un deuxième exemple. Il dit wa qawluhu ta'ala 'anil mala'ikati dhayf Ibrahim. Dans un deuxième exemple, il dit les anges qui étaient les invités de Ibrahim alayhi salam, du prophète Ibrahim alayhi salam. Les anges ici, Allah Azza wa Jal dit dans wa qulu ta'ala 'anil mala'ikati dhayfi Ibrahim. Donc la parole d'Allah concernant les anges invités de Ibrahim. Inna muhriku ahli hadhihi al-qarya. Allah dit dans le verset Inna muhliku ahli hadhihi al-qarya. Certes, une traduction relative, nous détruirons, nous serons plus littéralement destructeurs, ahli hadhihi al-qarya. Ahl hadhihi al-qarya. Le sens, nous détruirons les habitations de ce peuple. Il dit l'interprétation ici, le sens de al-qarya. Vous avez vu, donc al-qarya a un sens dans le premier verset qu'on a cité et il donne un autre sens ici dans ce deuxième verset. Ce deuxième verset, c'est le verset 31 de la sourate Al-Ankabut, de la sourate l'araignée. Wa taqulu sana'tu hadha bi yadi. Il dit par exemple, l'auteur continue à mentionner des exemples qui, dans ces exemples, on comprend par exemple les sens apparents. Les sens apparents à prendre en considération. Il dit, par exemple, dans ta parole, lorsque tu dis, j'ai fabriqué telle chose de ma main. J'ai fabriqué telle chose de ma main. Yarni, par exemple, insanun sanara lahu kursiyan biyadi, yaqul sanartu hadha al-kursi biyadi. Par exemple, une personne, il a fabriqué une chaise de sa main. Et lui-même, il l'a fabriquée. Il dit, cette chaise, je l'ai fabriquée de ma main. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي. Il dit par exemple le mot main. Vous avez vu là le terme main. Je l'ai certes fabriqué de ma main. Cette chose-là. Le mot en arabe qui est cité, c'est « al-yad » dans l'exemple. « Sana'atu biyadi » Je l'ai fabriqué de ma propre main. Le mot « liyad » Il va citer maintenant un verset où il y a le terme « al-yad ». « Al-yad » Le même mot. Le même mot. Dans un verset, Allah dit « Lima khalaqatu biyadi » Dans un verset, je is pas un autre verset puisque au départ, c'était pas un verset, le premier, c'était un exemple. Ce que j'ai fabriqué de ma main, dans l'exemple, c'est le terme yed qui est mentionné. Et là, il mentionne un verset où Allah dit, pour ce que j'ai créé de mes mains. Pour ce que j'ai créé de mes mains. Donc, regardez dans le verset. Quel est le mot qui a été cité? C'est l'yed. Biyadei. Sauf que c'est cité au duel les deux. Lima khalaqatu. Biyadei. Allah dit pour ce que j'ai créé de mes mains. Maintenant, c'est dans le premier exemple, c'est le mot yad qui est cité. Dans le deuxième exemple, c'est le mot yad. Mais est-ce que le sens est équivalent? Est-ce que c'est le même sens? Il dit فَلَا تَكُنَ الْيَدْ كَالْيَدْ فِي قَوْلِي تَعَالَى. La main qui est citée dans l'exemple premier, j'ai certes fabriqué cela de ma main. C'est pas la même main que dans le verset pour ce que j'ai créé de mes mains. Lorsqu'Allah dit pour ce que j'ai créé de mes mains. Pourquoi? C'est pas la même main. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق. Pourquoi? Parce que dans le premier exemple, la main a été annexée, liée. À qui? À la créature. Pour ce que j'ai fabriqué de ma main. Ça, c'est la créature, c'est l'homme qui dit ça. L'homme qui dit ça. Donc, le sens ici, quel est le sens? C'est le sens qui convient. C'est le sens qui convient à l'homme, à la créature. Donc, c'est une main qui lui est propre. Fil-aya. Tandis que, dans le verset, lorsqu'Allah dit, pour ce que j'ai créé de mes mains, là, le terme la main a été liée au créateur. Donc, c'est une main qui lui convient. Qui lui convient à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur nous dit dans les deux sens, dans les deux exemples, on a le même terme qui est cité, al-yad, sauf que dans le premier exemple, c'est une main qui convient à ce à quoi elle a été annexée, elle a été liée, c'est-à-dire à la créature, tandis que dans le verset, ça a été lié à Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, c'est le même terme, mais ce n'est pas la même main. Ce n'est pas la même main. Vous comprenez pourquoi l'auteur a dit, parfois donc, ça diffère, le sens apparent diffère selon le contexte, mais parfois c'est pas lié au contexte. Parfois le sens ne varie pas selon le contexte. Parfois c'est autre chose. C'est ce qu'on nomme selon ce à quoi on annexe le discours. Selon ce à quoi il est lié. Comme là dans cet exemple. Donc cet exemple, c'est pas lié au contexte. Donc on a un sens apparent qui apparaît, puisque là on est en train d'apprendre quel est le sens apparent du texte. Puisqu'on a dit dans les versets d'attributs, on doit prendre ces versets selon le sens apparent. Quel est le sens apparent ? L'auteur nous explique que le sens apparent, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est ça le sens apparent. Le sens apparent, il peut être lié parfois, il diffère, il varie selon le contexte, mais pas seulement. Donc dans un contexte, c'est-à-dire qu'il peut avoir tel sens, dans un autre contexte, il peut avoir tel sens. Ça varie selon le contexte. Le sens apparent d'un terme peut varier selon un contexte, mais pas seulement. Il explique aussi, il peut varier selon ce à quoi on annexe le discours. On annexe le discours, ce à quoi, en quelque sorte, il est lié, comme dans cet exemple que Cheikh a cité. فَلَا أَحَدْ سَلِيمْ الْفِتْرَةِ الصَّرِيحَ الْعَقْلِ يَعْتَقِدْ أَنَّ يَدَ الْخَلِقِ يَدَ الْمَخْلُوقِ وَبِالْعَكْسِ. Il dit, par exemple, dans les exemples qu'il a donnés, ces deux exemples-là, pour dire que parfois, le sens est lié à selon ma oudi fat ilay. Par exemple, dans l'exemple, lorsqu'il dit dans la première parole, cette chose, je l'ai fabriquée de ma main. Et dans le verset, lorsqu'Allah dit, pour ce que j'ai fabriqué de mes mains, pour ce que j'ai créé plutôt de mes mains, il dit, il n'y a personne qui a une nature innée saine, une fitra saine, qui pensera, qui aura la conviction que la main de la créature est semblable à la main du créateur. Une personne qui a une raison saine et une bonne nature innée, qui est sur une nature innée saine, il ne peut pas penser cela. وَنَقُلْ مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدِ ما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. On a dit aussi selon la construction de phrase, le sens varie aussi selon par rapport à la construction de phrase. Donc la construction de phrase aussi, elle est liée au sens. Donc le sens plutôt va être lié à la construction de phrase. Et donc la construction de phrase aussi est à prendre en considération. Regardez dans un autre exemple, l'auteur nous dit, il donne un exemple. On peut dire, par exemple en arabe, on peut dire « Ma indaka illa zayd »« Ma indaka illa zayd » Il n'y a chez toi que Zayd. Une personne, par exemple, qui s'appelle Zayd. Il n'y a chez toi que Zayd. On peut, dans une autre construction, dans une autre forme de phrase, on peut dire وَمَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكَ. Regardez dans le premier exemple, مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْد. Il n'y a chez toi que Zayd. مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْد. Traduction relative. Dans le deuxième exemple, مَا زَيْدٌ illa indak. Ma zaydun illa indak. Zayd ne peut être que chez toi. Ma zaydun illa indak. Zayd ne peut être que chez toi. Ici, si vous regardez le point commun qu'il y a dans ces deux phrases, c'est les mêmes termes qui sont utilisés, c'est les mêmes mots. Ma indaka illa zayd, wa ma zaydun illa indaka. C'est les mêmes termes, c'est les mêmes mots. Sauf que c'est la construction, c'est tarkib. C'est la forme. La construction de la phrase et la forme de la phrase, elle varie et elle diffère. Sinon, dans les deux exemples, c'est les mêmes mots. Ma indaka illa zayd, wa ma zaydun illa indaka. Donc on a le mot zaydun illa indaka ma. Ma, dans les deux constructions là, zaydun illa indaka. Donc c'est les mêmes mots, comme nous dit l'auteur. Fatufidu al-jumlatu thaniya ma'nan ghayra ma tufidu al-ula. Et malgré que ce soit les mêmes mots, la deuxième phrase n'a pas le même sens que la première phrase. Pourtant, c'est les mêmes mots. Ma'tihad al-kalimat. Pourquoi le sens diffère par rapport à la forme? Même si c'est les mêmes mots qui ont été utilisés, mais selon la construction et la forme de la phrase, le sens varie et diffère. Dans l'explication, il dit سَبَقَ أَنْ قُلْنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَ يَكُنُ لَهَا مَعْنًا فِي سِيَاقٍ وَمَعْنًا آخَرٍ فِي سِيَاقٍ. Pourquoi? Parce que précédemment, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une seule ou un même terme peut avoir un sens dans un contexte et un autre sens dans un autre contexte. Mais aussi, une parole, selon sa forme, peut avoir un sens et selon l'autre forme, c'est-à-dire la construction, la forme de la phrase, peut avoir un sens. فَإِذَا قُلْتَ مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدِ وَمَا زَيْدِ إِلَّا عِنْدَكَ فَالْكَلِمَةُ وَاحِدَةً وَتَرْكِيبُ مُخْتَلِفٌ فِي التَّرْتِيبِ فَقَطْ فَالْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ عِنْدَ هَذَا الْمُخَاطَبِ إِلَّا زَيْدِ وَلَكِنْ زَيْدًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ آخَرٍ فَالْحَصْرُ إِذَنْ فِي الْمَاكِثِ فِي الْمَكَانِ وَتَقُلْ مَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكَ فَحَصَرْتَ زَيْدًا فِي الْمَكَانِ وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَكَ فَلَا يُوجَدُ فِي مَكَانٍ آخَرٍ وَلَكِنْ قَدْ يُوجَدُ أُنَاسٌ آخَرُونَ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ بِخِلَافِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى فَالْحَصْرُ الْأَوَّلُ فِي الْمَاكِثِ الْكَائِنِ الْحَصْرُ الثَّانِي فِي الْمَكَانِ فَتُفِيدُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةَ مَعْنًا غَيْرَ مَا تُفِيدُ الْأُولَى مَعَ اتِّحَادِ الْكَلِمَاتِ لَكِنْ اخْتِلَفَ التَّرْكِيبُ فَتَغَيَّرَ الْمَعْنَى بِهِ. Là, c'est très pertinent parce qu'il dit, il explique ensuite, puisque ça c'était dans l'énoncé, l'exemple de il n'y a personne ou il n'y a chez toi que Zayd dans la première phrase, malgré que c'est les mêmes mots qui sont utilisés. La deuxième, Zayd ne peut être que chez toi. Zayd ne peut être que chez toi. Dans l'explication, j'y rajoute un élément. Il explique, en fait, dans l'exemple, ma indaka illa Zayd, annahu la yujadu ahadun inda hada al-mukhatab illa Zayd. C'est-à-dire que chez la yujad illa Zayd, oh, ma indaka illa Zayd, c'est-à-dire que dans la première phrase, il affirme qu'il n'y a personne chez lui, chez cette personne interlocuteur, il n'y a personne chez lui si ce n'est Zayd. Si ce n'est Zayd. Walakin Zaydan yajuzu an yakun fi makanin akhar. Alors que Zayd, c'est possible qu'il soit dans un autre endroit. Alors que Zayd, c'est possible qu'il soit dans un autre endroit. Fal hasru idan fil makithi fil makan. Fi al-makan. Donc la restriction ici, elle serait sur l'endroit. Sur l'endroit. Sur l'endroit, lorsqu'il est dit ma indaka illa Zayd. Il n'y a chez toi que Zayd. Mais comme il peut être dans un autre endroit, lorsqu'ensuite on dit farasalta Zayd, ma Zaydun illa indak. Dans la deuxième phrase, Zayd ne peut être que chez toi. Dans la deuxième forme et construction de phrase, lorsqu'on dit wa ma Zaydun illa indaka, c'est dans le sens que Zayd ne peut pas être dans un autre endroit. Il ne peut être que chez toi. Dans le premier exemple, il n'y a chez toi que Zayd. Mais dans le deuxième exemple, Zayd ne peut être que chez toi. Lorsqu'on dit de cette manière, wa ma zaidun illa indaka, c'est qu'il ne peut être que chez toi. Donc ici, on a restreint l'endroit. Il ne peut pas être un, il ne peut pas se trouver à un autre endroit. De cette manière, on a restreint l'endroit. Fa hasr idan fil makith fil makan. Wa taqul ma zaidun illa indak. Fa hasalta zaidan fil makan. Wa anna laysa illa indaka fala yujadu fi makanin akhar. ولكن قد يوجد أناس آخر عند المخاطب. Par contre, lorsque maintenant on a restreint le fait, on a restreint l'endroit, Zayd ne peut pas se retrouver dans un autre endroit. Il est chez toi. Il est que chez toi. Regardez dans le deuxième exemple, lorsqu'il est dit Zayd ne peut être que chez toi. On a restreint l'endroit. Ici, il ne peut pas se trouver dans, parce qu'il pouvait se trouver dans un autre endroit. Mais là, il ne peut pas se trouver dans un autre endroit. Par contre, ça exclut pas maintenant qu'il y a d'autres personnes. Là, wa ma zaidun illa indak, Zayd ne peut être que chez toi. Donc ça sous-entend que Zayd n'est pas dans un autre endroit, il est chez lui. Mais est-ce que ici ça nie le fait qu'il y ait d'autres personnes? Non, ça nie pas le fait. Donc il n'y a pas de restriction au niveau des personnes. Mais dans ce que tu dis, il n'y a chez toi que Zayd. Dans le premier exemple, ma indaka illa Zayd. Là, ça sous-entend le sens qu'il n'y a personne d'autre. Là, ça sous-entend le sens qu'il n'y a personne d'autre. Et donc, vous avez vu, selon la construction de phrase, vous avez vu, dans la première, dans le deuxième exemple, ça nie le fait que Zayd soit dans un autre endroit. Dans le premier exemple, ça nie le fait qu'il y ait un autre que Zayd dans la maison de l'interlocuteur. Dans la maison de l'interlocuteur. Pourtant, c'est les mêmes mots. Mais selon la construction, vous avez vu, le sens a varié. Le sens a varié. Ça, c'est important pour comprendre les textes. Ça, là, ce que l'auteur, malgré que vous pouvez trouver ça un peu technique, mais en réalité, c'est simple, il faut juste le réviser. Ça, c'est important pour comprendre l'apparence des textes. Puisque l'auteur nous a expliqué que les versets d'attributs, il faut les prendre selon le sens apparent. Selon le sens apparent. Et là, il nous explique le sens apparent. Le sens apparent, c'est clair, il dit, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. C'est ça le sens apparent. Sauf quand c'est tout simple, ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que le sens apparent, il nous dit, c'est le sens qui nous vient directement à l'esprit. Par exemple, j'ai tué le lion dans le désert. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit du terme lion? C'est l'animal féroce. Tout de suite à l'esprit, là, c'est lié au contexte. Là, donc parfois, juste ce qu'il explique, c'est que le sens aussi qui va nous venir directement à l'esprit, il peut varier selon le contexte. Mais il dit, il n'y a pas que le contexte à prendre en considération aussi. Parfois, ça peut être le contexte. Parfois, ça va être, comme on l'a dit précédemment, ce à quoi on annexe le discours. Parfois, ça va être lié à ce à quoi on annexe le discours. Donc le sens peut varier. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur nous enseigne dans cette troisième règle, que quatrième règle, pardon, que puisqu'on a appris de la règle précédente dans les textes d'attributs, on doit prendre le sens apparent. Qu'est-ce que le sens apparent? Il nous l'explique ici. C'est ce qui apparaît immédiatement, directement à notre esprit. Regardez par exemple, lorsqu'on dit que la personne a porté les bagages jusqu'à l'école. Le Assad, le lion a porté les bagages. Ici, le terme arabe Assad, c'est le lion, mais on sait, dans cet exemple, c'est pas le lion. C'est pas le lion, c'est dans le sens d'une personne courageuse. La personne courageuse. Ça nous vient directement à l'esprit. Pourquoi? Selon le contexte. Selon le contexte. Il a porté tous ses effets, tous ses bagages jusqu'à l'école. Il est cité le terme Al-Assad, le lion. Ici, c'est dans Rajul Ashuja, c'est la personne qui est courageuse, comme il dit dans l'exemple. Il dit, si on a compris ça, si ce qui a précédé, on l'a bien compris, et ce qu'on va citer, on va laisser pour la prochaine assise, il dit maintenant, si on a bien compris ça, إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَظَاهِرُ نُصُوصُ الصِّفَاتِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ مِنَ الْمَعَانِي قَدْ إِنْقَسَمَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ. Si maintenant, regardez ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'on a essayé de bien détailler ce qui a précédé. Il dit, si maintenant on a bien compris ce qu'est l'apparence du texte lié aux attributs. Regardez ce qu'il dit. Donc vous avez vu, vous avez compris pourquoi on est dans le chapitre concernant les règles liées au texte. Regardez ce qu'il dit. Si on a bien compris l'apparence des textes d'attributs, que le sens, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Que le sens, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Alors il dit, sachez, il va nous expliquer, que les gens, en cela, se divisent en trois catégories. Dans cela, les gens se divisent en trois catégories. Donc il dit, si ça, on l'a bien compris, que le sens apparent des textes d'attributs, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est ça qu'on considère comme le sens apparent, ce qui apparaît du texte. Il dit, les gens se divisent en trois catégories. Al-qism al-awwal, et on va laisser ça pour la prochaine assise, on va bien détailler les trois catégories. Il dit, من جعل ظاهر المتبادل منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Là, il va expliquer que la première catégorie, c'est les plus prédécesseurs. C'est ceux qui ont mérité l'appellation de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il va expliquer cette première catégorie. Qu'en fait, eux, dans cette première catégorie, ils regroupent ceux qui ont fait du sens apparent, qui vient immédiatement à l'esprit, le sens véritable qui convient au Créateur. Cette première catégorie, le sens apparent pour eux, ils ont fait de ce sens apparent ce qu'il convient. Ils l'ont pris comme étant le sens qui convient véritablement au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'ont pris tel quel. Ils ont pris cela tel quel. Et on expliquera bien cela, les trois catégories, par rapport à cela, dans la prochaine assise. Wallahu a'lam wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.